Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre sur ce créneau horaire-là, et bien sachez que vous pouvez nous retrouver tous les lundis en fin d'après-midi, début de soirée, via notre blog, hein. Vous tapez Hellbanger Radio Show sur Blogspot, et on apparaît, voilà, il y a tout le récap des diffs des semaines, mois, même années passées, avec également en ligne tous les rappels des spotlights de la semaine, enfin voilà, plein de trucs super cool, en plus de l'émission du dimanche qui vient de se passer. Bienvenue donc à toutes et à tous pour cette nouvelle émission avec quelques nouveautés, qui viennent d'un peu partout des quatre coins de la planète. Hein. On a les Anglais de Unfathomable Ruination, on a la récente formation asiatique Valendusk, on a l'Allemand Hermann Frank, etc., etc. Donc voilà, on va prendre le temps de dérouler tranquillement ces au total 8 nouveautés pour l'émission d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, émission que l'on ouvre avec une nouveauté, Unfathomable Ruination, excellent groupe de Brutal Death, tendance Tech Brutal Death, qui nous vient d'Angleterre. Ils sortent là un nouvel EP, un petit 4 titres qui fait suite à l'album paru en 2019, qu'on vous avait bien sûr diffusé, Enrage and Unbend. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette EP? Eh bien, 3 nouvelles compos et un titre qui est figuré sur leur première démo sortie en 2010 et qui a été complètement refaite et réenregistrée pour la sortie de cette EP. C'est justement ce titre. Initialement publié en 2010, que l'on va s'écouter en ouverture d'émission. Et du coup, ce qui est plutôt intéressant, donc il est positionné en titre d'ouverture de l'EP. Et donc, même si la compo en elle-même a une dizaine d'années, vous allez voir qu'en termes de ce que propose musicalement aujourd'hui Unfathomable Ruination, clairement, ils n'ont pas à rougir de ce qu'ils proposaient déjà il y a 10 ans. Voilà donc pour ouvrir l'émission, une bonne dose de Tech Death, c'est absolument parfait. Et en doublette avec Unfathomable Ruination, Evile, le groupe de thrash qui sort son nouvel album Hell Unleashed chez Napalm Records. Unfathomable Ruination, le morceau Suspending in Entropy Dissipation, extrait de leur EP à venir Decennium Rinae chez Willowtip Records le 28 mai. Evile, l'album est déjà dispo et on va s'écouter le titre War of Attrition. Et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. Doublette suivante, on va avoir une petite nouveauté, mais tout d'abord Cold Cell qu'on vous a déjà diffusé. Une nouvelle signature, Les Acteurs de l'Ombre, ils sortent là leur nouvel effort studio The Greater Evil. Et en doublette avec Cold Cell, Herman Frank, donc pour une autre nouveauté. Herman Frank, dont le nouvel album Two for Lie, 5e effort studio, sortira le 21 mai chez FM Records. Herman Frank, qu'est-ce que c'est que ce type qui joue sous son propre nom? Eh bien, c'est tout simplement un ancien guitariste de Accept, la formation de heavy allemand bien connu, hein, évidemment. Pour brosser un peu l'historique de Herman Frank au sein de Accept, il a notamment joué sur Balls to the Wall, album culte de Accept qui a vu le jour en 83. Et il était également présent lorsque, en 2009, Accept est revenu un peu sur le devant de la scène pour le très très bon Blood of the Nation. Il a également enregistré l'album suivant Stalingrad et il a de nouveau quitté le groupe en 2014. Donc, au niveau de son line-up, sous son projet perso, Herman Frank n'est pas entouré de zikos très connus, à part le vocaliste Rick Alzi, qui est notamment vocaliste dans Masterplan. Voilà. On n'a raté aucun des quatre précédents albums de Herman Frank, ça n'a pas grand-chose d'original, mais voilà, c'est du pur heavy-toton, c'est plutôt bien branlé. Donc on s'est dit que tous les ingrédients étaient réunis. Pour vous le diffuser, c'est parti donc, deuxième doublette de l'émission d'aujourd'hui, Cold Cell, le titre No Escape, Herman Frank, Eye of the Storm, c'est parti. Thank you. Doublette suivante, doublette ténébreuse, puisque d'abord nous avons le groupe de Trash Black norvégien Necromanteon. Ils sortent là leur nouvel effort studio Vision of Trismegistos, une sortie indie recording, sortie 100% norvégienne. Et en doublette donc avec Necromanteon, on va s'envoyer un groupe de black metal biélorusse, encore une nouveauté. Le groupe a un nom qui s'écrit Khandra, K-H-A-N-D-R-A. Et il semblerait que cela se prononce Chandra. Voilà, la formation biélorusse qui existe depuis 5-6 ans maintenant a sorti un EP en 2017, un autre en 2018. Et à la fin du mois de mai, ils vont sortir là leur tout premier effort longue durée sur le label français Season of Mist. Voilà, on est sur un black bien mis en place qui se rapproche d'un Mgwa. Cependant que Chandra est plus intense, agressif et dissonant, c'est pour dire un peu la branlée black metal que ça vous propose. Donc voilà, encore une formation belarusse de grande qualité après Dawn Cross qu'on vous a diffusé il y a quelques semaines maintenant. Necromanteon, Seven Rulers of Fate, extrait de leur nouvel effort studio. Chandra, Irrigating Lethal Agrees with Blood, extrait de leur premier effort studio, prévu le 28 mai chez Season of Mist, premier effort studio qui s'intitule All Occupied by Soul Death, et c'est parti. We'll be right back. la petite doublette marrante venue d'Amérique du Nord. Tout d'abord, Dropkick Murphys, le cultissime groupe de punk hardcore, Irish punk hardcore, qui nous vient de Boston, qui sort son 10e effort studio Turn Up That Dial. L'album est déjà dispo, comme dit la semaine dernière. Dropkick nous sort là un album vraiment plus rock folk, Irish rock folk, que les hymnes habituels du punk hardcore, dont ils ont la bonne recette depuis donc 20 ans, 20-25 ans, je crois, d'existence. Pour Dropkick, clairement le truc le plus smooth de l'émission pour aujourd'hui. Et du coup, ça met encore plus en avant la violence de Intonate, formation québécoise qui sort son nouvel effort studio Severed Within, une sortie Willowtip Records. Comme présenté les semaines précédentes, Intonate, on est sur une espèce de death asphyxiant, inspiration Ulcerate, avec cependant vraiment leur truc bien à eux. Voilà, on ne s'écoute pas le titre en entier, parce qu'il est assez long, hein, il fait quasiment 9 minutes, donc l'ami Sylvain va le raccourcir un petit peu pour la version diffusée sur Radio Béton, mais encore une fois, pour la version dispo sur notre blog, le titre de Intonate sera en entier. Dropkick Murphys, le titre Chosen Few, vous allez voir, il y a un superbe hommage à la fin du morceau. Intonate, le titre Within, c'est parti. Congrats to one and all. We've traveled to the top, now they're ready for a fall. Et le chrono défile, vous êtes toujours bien à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et on attaque tout de suite maintenant l'aspect française, avec une jolie doublette pour entrer dans la séquence. Tout d'abord, Gojira. Et oui, difficile de passer à côté parce que globalement on aime bien Gojira. Puis clairement, le focus de la semaine dernière dispensé par l'ami Thibaut a fini de me convaincre sur le fait que ce nouvel effort de Gojira est vraiment intéressant. Difficile de dire si j'aime ou si j'aime pas encore. Voilà, il y a vraiment des choses super cool sur ce nouvel effort studio à creuser. Il s'intitule Fortitude, il est déjà dispo chez Roadrunner Records, et dans la foulée, bien au-delà, bien loin pardon, du style de Gojira, on va s'écouter un titre de Sorcerer, excellent groupe de Darknet Hardcore, presque Negative Hardcore, qui nous vient de région parisienne. Ils sortent là leur tout premier EP, intitulé Joy. Gojira, le titre The Chant, et clairement sur ce morceau, il n'y a pas de surprise. Joe Duplantier se fait bien, bien, bien plaisir avec ses lignes de chant, il expérimente à fond de cale. On aime ou on n'aime pas, encore une fois, moi, vraiment le premier terme qui me vient à l'esprit quand on me demande de parler, de donner mon avis sur le dernier effort de Gojira, c'est super intéressant. Voilà. Sorcerer ensuite avec Bury the Hatchet, encore un feat, cette fois avec Jens Oben, Gojira, Sorcerer, c'est parti.